طيب وكم وصل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد continue toujours dans le chapitre de الدعاء والدعوة إلى الشهادة أن لا إله إلا الله. On avait vu le premier verset que le chéri il cite dans ce chapitre-là, le verset de Sourate Yusuf. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Donc on avait lu ce que le Muhashi, Sheikh Ibn Qasim, رحمه الله تعالى, il a les annotations qu'il a faites sur ce verset. Il y a beaucoup d'enseignements sur ce verset. On ne va pas y revenir pour gagner du temps. On est arrivé donc au deuxième texte que le shir cite dans ce chapitre, qui est un hadith donc rapporté par l'imam al-Bukhari ou l'imam muslim, hadith de Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Donc il dit « Wa'an Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam lamma ba'atha mu'adhan ila al-Yamani qala lahu innaka ta'ati qawman min ahli al-kitab فليكن أول ما تدعوهم إلي الشهادة والشهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحد الله فإنهم طاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم طاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم طاعوك لذلك فإياك وكراهما أموالهم واتق الدعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب أخرجا استاذ البخاري ومسلم في صحيحيهما. طيب donc hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma concernant la da'wa, et hadith qui nous montre comment et par quoi le prêcheur il doit commencer à prêcher, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a ordonné à Mu'adh lorsqu'il l'a envoyé au Yémen en lui disant donc tu vas rencontrer un peuple parmi les peuples des gens du livre. Donc chrétiens, juifs, plus de chrétiens, Allah alam, au Yémen. فَلَيْكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْ Que la première chose à laquelle tu les appelles soit. Donc là, le shir, il nous montre ce hadith-là, le shir cite ce hadith-là pour montrer l'adab du da'i et le prêcheur à l'islam, ce à quoi il doit appeler en premier lieu, à la chose la plus importante. فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ Que tu les appelles à l'attestation deux fois, l'attestation de l'ikhlas, que nul autre qu'Allah Jalla wa'ala ne mérite l'adoration. Dans une riwaya du hadith, qui est aussi dans Sahih al-Bukhari, dans le Kitab al-Tawhid, dans le dernier chapitre de son Sahih, où dit « Ila an yuwahidullah » Donc la première chose à laquelle tu les appelles est à ce qu'ils adorent Allah Jalla wa ala seul. Sens ici de « An yuwahidullah » « An yuwahidullah » dans qu'ils ne vouent leur culte et leur adoration qu'à Allah Jalla wa ala, seul. S'ils t'obéissent dans ceci, donc dans cette première chose, alors informe-les qu'Allah Jalla wa ala leur a ordonné 5 prières de jour et de nuit. Ou 5 prières de jour et de nuit, c'est-à-dire 5 prières en tout. Certaines prières de jour, certaines prières de nuit. S'ils obéissent à ceci, Donc, s'ils accomplissent la salat, alors informez-les qu'Allah Jalla a ordonné, leur a ordonné une aumône qui est prise de leurs riches et qui est donnée à leurs pauvres. Donc, une aumône, la zakat, c'est sadaqa, ce qui est visé ici, c'est zakat al-mal, qui est prescrit aux riches et donné aux pauvres. Et s'ils t'obéissent dans ceci, alors attention de ne pas prélever leurs biens les plus précieux. C'est le sens ici. Iyyak wa kara'im amwalihim. C'est-à-dire, prends garde de ne pas te saisir, de ne pas prescrire de leurs biens les meilleurs. On verra le sens après. Et crains la doua de l'opprimé, de celui à qui est commis une injustice, car il n'y a pas entre elle et entre Allah Jalla de voile ou de. Il n'y a rien qui n'empêche cette doua, le sens d'arriver à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah il exauce cette doua. Reviens à ce que Al-Muhashir Sheikh Ibn Qasim il dit concernant ce hadith-là. Kisiwan Ibn Abbas radiallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lama ba'atha Mu'adhan ila al-Yamani. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Mu'adh au Yémen. Il a envoyé aussi Abu Musa al-Ash'ari. Donc il dit, أرسله داعيا إلى الله تعالى سنة عشرين قبل حجره قبل حجه قبل حجه ولم يزل على اليمن واليا وقاضيا إلى أن قدم في خلافة أبي بكر ثم توجه إلى الشام فمات بها. قال الشيخ أمن فضائله أنه بعثه إلى اليمن مبلغا عنه ومفقها ومعلما وحاكما. Donc, le prophète, salawatullahi wa salam alayhi, il a envoyé Mu'adh la dixième année de l'Égir avant de faire son pèlerinage. C'est-à-dire avant que le prophète, salallahu alayhi wa salam, il fasse son pèlerinage, il a envoyé Mu'adh. Il l'a envoyé au Yémen. Et Mu'adh Ibn Jabal, radiallahu anhu, il n'a cessé de rester au Yémen, comme il l'a dit, il va le dire après, comme qadi, comme juge, et comme gouverneur aussi, jusqu'à qu'il revienne lors de la khilafa de Abu Bakr. C'est-à-dire que Mu'adh, lorsqu'il est parti, il y a un hadith connu. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est adressé à lui lorsqu'il est parti en lui disant qu'il l'aimait et tout. Et il lui a dit qu'il ne le reverrait pas après cette année-là. Donc c'était juste avant la mort du professeur Hassan. Et Mu'adh, lorsqu'il est revenu dans la péninsule, c'était lors de la khilafa de Abu Bakr. Et ensuite, il s'est dirigé vers le Sham pour la da'wa ou dans le jihad. Et il est mort là-bas. Radiallahu ta'ala an. Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi dit que parmi les bonnes choses que ou le fada'il le mérite, cherchez le mot. Parmi les mérites de Mu'adh, radiallahu anhu, c'est qu'il l'a envoyé au Yémen comme prêcheur, comme enseignant et comme juge entre les gens. Pour les trois choses. Mu'adh fait partie des compagnons les plus savants. Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu. وفي مشروعية بعث الإمام الدعاة إلى الجهات يدعون إلى الله بل يتعين عليه بالتأكد. Et dans ceci, on voit que le fait que l'imam envoie des prêcheurs dans les contrées, différentes contrées, pour appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qui est légiféré et c'est quelque chose qui est obligatoire. L'imam, évidemment, on parle d'un quelqu'un qui dirige un État islamique régi par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam ou le calife, celui qui détient le commandement, il doit envoyer différentes contrées alentours qui ne sont pas sur l'islam, il doit envoyer des prêcheurs à l'islam. Comme comme le prophète, il a envoyé Mouad. Oui, il doit envoyer aussi, que ce soit des prêcheurs, que ce soit aussi des enseignants, que ce soit des hukam, des gens qui jugent entre les gens, si dans ces régions-là, les gens ne sont pas pourvus d'enseignants, de juges, etc. Ça, c'est un des rôles parmi les rôles de l'imam, de celui qui détient le commandement chez les musulmans. وقال له يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يدي لو ادوني دي كونسيغ انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول واول ما تدعوهم الي شهاده ان لا اله الا الله. نعم انك تاتي قوما من اهل الكتاب tu vas rencontrer des gens qui font partie des gens du livre. Ici, il dit le Cheikh Ibn Qasim, rahimahullah, يعني بذلك اليهود والنصارى. لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب. أو أغلب. وقد أوتوا علوما في أصول الأديان وفروعها. وليسوا أميين كسائر العرب. فنبهه على ذلك ليتهيأ لمناظرتهم. يعني خذ وهبتك لهم فإنهم أهل العلم ليسوا كغيرهم. وقال الحافظ هو كتوطئة للوصية ليجمع همته عليها. Donc des gens du livre au Yémen, c'est-à-dire parmi les juifs et les parmi eux des juifs et des chrétiens. Allah alam, les chrétiens c'est plus nombreux. لأنهم ils étaient à ce moment-là plus nombreux au Yémen que les associateurs arabes. C'est-à-dire que les adorateurs d'idoles, les juifs et les chrétiens, donc les gens du livre, étaient à ce moment-là plus nombreux au Yémen. Et donc ils étaient détenteurs d'une certaine science concernant la prophétie, concernant les livres révélés, etc. Une science que ne possédaient pas les adorateurs d'idoles du peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Quraysh ou les autres tribus arabes. Donc, la da'wa, yani, elle est, ou le da'i, le prêcheur, il doit se préparer à quelque chose de différent. Ce n'est pas la même da'wa. On avait vu la dernière fois que la da'wa, elle doit être adaptée en fonction de le mad'ou, en fonction de celui qu'on prêche. En fonction de, comme on l'avait vu, soit de son intérêt pour la religion, pour la recherche de la vérité, par le suivi de la vérité, soit aussi par son niveau dans la science. Que ce soit quelqu'un qui s'attribue à l'islam, ou que ce soit quelqu'un qui ne s'attribue pas à l'islam, mais qui fasse partie des gens du livre, et donc qu'il ait une certaine connaissance de la prophétie, des livres révélés avant. C'est quelqu'un qui va avoir certains arguments, quelqu'un qui va avoir des choubouettes, que les adorateurs de statues n'avaient pas. Et donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a prévenu qu'il allait rencontrer des gens du livre, et donc il lui a dit ceci pour que Mouad, il se prépare au dialogue avec eux, à répondre à leurs choubouhat, et donc qu'il soit prêt, qu'il se prépare. Ibn Hajar, Al-Hafiz Ibn Hajar, il dit c'est comme une préparation pour que Mouaz il soit prêt et qu'il soit vraiment concerné par cette mission que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a donnée, et qu'il soit prêt aussi à si on peut dire au débat et à devoir répondre à ce que ces gens vont lui donner comme argument et comme chouette. Donc ça, c'est aussi une bonne leçon quand quelqu'un il va débattre avec quelqu'un sur un sujet, par exemple. Il faut qu'il soit prêt. S'il sait que c'est des gens qui s'attribuent à un certain manhaj ou à une certaine voie qui contredit la voie soit de l'islam, soit de la sunna, et qu'il connaît leur choubouhad et qu'il connaît, il doit se préparer avant d'aller les rencontrer pour débattre avec eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc là, il a détaillé ce à quoi Mouadh radiallahu anhu, il allait appeler ces gens du livre. Et donc, ici, c'est cette raison pour laquelle le Cheikh, rahmatullah alayhi, il cite ce hadith-là dans ce chapitre-là, pour montrer comment le prêcheur et à quoi le prêcheur il appelle. Donc, فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَدَةُ أَنْ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ فَلْيَكُنْ أَوَّلُ اسْمُ كَانَ مرفوع. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة خبر كان شهادة خبر كان منصوب شهادة لا إله إلا الله ولا فيرس بجيخ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. Donc la première chose à laquelle tu les appelles soit au témoignage de la foi. C'est-à-dire témoignage de la ilaha illallah, que seul Allah Jalla wa Ala mérite l'adoration, et le rejet, le désaveu de toute autre adoration que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala et de toute autre adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, quel qu'il soit. Qala al-Muhashshi rahimahullah, fa innahu la budda an ya'tuka bi'ulum wa ashiya. ولكن لا يكون همك إلا هذا الشأن والشهادة بالرفع على أنه اسم يكون مؤخر وأول خبرها ويجوز العكس. Donc là il dit simplement ce qu'on vient de dire concernant أول الشهادة ou أول شهادة selon qu'on dise que Awwal c'est ism kana ou khabar kana. وفي رواية إلى أن يوحيد الله وفي رواية إلى أن يوحيد الله. Ici, donc cette riwaya du hadith qui est rapporté, comme on l'a dit, par l'imam al-Bukhari ou dans Kitab Tawhid, donc dans le dernier chapitre de son livre, du Sahih. Cette riwaya elle est très importante. On voit que dans cette riwaya, la shahada, elle n'est pas citée par ses mots, mais par son sens. On l'a déjà dit que dans les textes, dans nos sources, que ce soit du Coran ou de la Sunna, la shahada, elle est soit citée par ces mots, donc la ilaha illallah, Allah Azza wa Jalla dit la ilaha illa ana, la ilaha illahu, etc. Par ces mots, soit par son sens. Et on a vu aussi que le plus souvent, elle est citée par son sens. On sait que son sens, c'est la ma'bud bihaq illallah. On sait que c'est l'iman billah ou le kufr bittaghut. Le plus souvent par son sens, parce que ce qui est voulu au final, même si le fait de la prononcer, ça soit une condition de la validité de la foi, puisque on a appris que l'iman qawl ou amal, et que concernant le qawl, la parole, un des piliers le pilier de la parole, c'est quoi? C'est le fait de prononcer l'attestation de foi, les deux attestations. On sait que c'est ce qui fait rentrer une personne en islam, et on sait que celui qui est capable de la prononcer et qui ne la prononce pas, il est considéré comme étant mortet, kafir. Pas mortet s'il la prononce pas, mais il est considéré comme étant kafir. Mais malgré cela, le but de cette shahada, c'est d'en comprendre son sens et de le mettre en pratique. Et c'est pour ça que dans la majorité des textes où l'attestation de foi est citée, elle est citée dans son sens et pas dans ses mots. Comme c'est le cas dans cette riwaya. On voit que dans la première riwaya du hadith, donc dans le matn que le shir il a cité, فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله. Donc là, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité la shahada par ces mots. La ilaha illallah. Comme Allah jalla wa ala, il l'a cité dans certains endroits du Coran par ces mots. Allah azza wa jalla dit, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد الله أنه لا إله إلا هو. وإذ قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. Donc on voit que dans certains versets du Coran ou comme dans certains hadiths, أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا حتى يشهدوا لا إله إلا الله, etc. que la shahada, elle vient par ces mots. Mais que dans beaucoup de textes du Coran, Allah Jalla wa Ala, il a cité, il a parlé de cette shahada-là par son sens. Parce que ce qui est voulu au final, c'est d'en connaître son sens et de le mettre en pratique. Et que le simple fait de la prononcer ne suffit pas à faire d'une personne un musulman muwahhid. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on avait déjà cité ces versets-là. Le verset Allah il dit, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Et nous n'avons pas envoyé avant toi des messagers sans lui révéler que nul ne mérite l'adoration en dehors de moi. Alors adorez-moi. Donc là, on voit que dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il cite la shahada par ces mots. Et on retrouve le même verset, quasiment le même verset, sauf qu'à la place qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il cite cette shahada par ces mots, il en a cité son sens. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Donc le sens de la ilaha illallah, عبادة الله, l'adoration d'Allah, واجتناب الطاغوت. واجتناب الطاغوت, le fait de s'écarter de l'adoration du tagout. On le retrouve aussi dans, on le retrouve dans beaucoup de versets à la kulli hal. Et ici, dans ce hadith-là, c'est exactement pareil. La deuxième riwaya, donc, qui cite dans le matin, وفي رواية إلى أن يوحد الله. Ici, ce أن, on l'appelle أن مصدرية. أن مصدرية, pourquoi? Parce que أن est le verbe qui le suit, qui est un verbe مضارع, مضارع. يوحدون, à la base, يوحدون. Ici, comme il est منصوب, on a enlevé le نون. أن يوحد, on peut le remplacer par le مصدر, du verbe وحد. Verbe وحد, يوحد, مصدر, توحيد. Donc on peut le remplacer, on peut dire wa fi riwaya ila tawhidillah falyakun awwalu ma tad'uhum ilay tawhidallah ila tawhidillah. La première chose à laquelle tu les, que la première chose à laquelle tu les appelles soit le tawhid, c'est-à-dire le fait de vouer le culte et l'adoration à Allah jalla wa ala seul, sans aucun associé. Et donc cette riwaya, elle explique le sens de la ilaha illallah. Elle explique le sens de ces mots-là. Naam. Maza yaqul al-Muhashi? Cheikh Ibn Qasim rahmatullah alayhi, il dit hadhi al-riwaya في كتاب التوحيد من صحيح البخاري أشار بها المصنف إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله, فإن معناها توحيد الله بالعبادة والنفي عبادة ما سوى. وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله, وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وفي رواية للبخاري رحمة الله عليه ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله, فهذه الروايات يفسر بعضها بعضا، والمراد بذلك العلم والعمل بما دلت عليه من إفراد الله بالعبادة، بخلاف من قال أول واجب الآخر. طيب دونك qu'est-ce qu'il nous dit ici? Donc dans cette riwaya qui est, comme on l'a dit, qui est dans Kitab al-Tawhid de Sahih al-Bukhari. Quand on dit Kitab al-Tawhid, le dernier chapitre de Sahih al-Bukhari, l'imam al-Bukhari, où il a fait un chapitre, Kitab al-Tawhid, ou un livre, Bab, ou Kitab al-Tawhid, livre du Tawhid. Et donc il a cité ce hadith-là. Le Moussannifu, c'est-à-dire le Cheikh Mohammed, rahmahullah, il a cité cette riwaya, cette version du hadith, pour montrer que le sens de ces mots-là, donc Kalimatul Ikhlas, comme on a dit avant, La ilaha illallah, que le sens de ces mots-là, c'est le Tawhid d'Allah Jalla wa'ala dans l'adoration. Et donc le fait de rejeter toute adoration vouée à un autre que lui, Subhanahu wa ta'ala. Et on a une autre riwaya aussi, dans Sahih. Où le professeur Salam dit, on va voir après, on va expliquer pourquoi c'est plusieurs riwayat. فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ. Dans une autre version, que la première chose à laquelle tu les appelles soit l'adoration d'Allah. Donc qu'est-ce qu'on comprend? Comme le dit Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, il dit à chaque fois que عِبَادَ الْعِبَادَ وَعِبَادَةُ اللَّهِ تَعَالَى, c'est cité dans le Coran ou dans la Sunna, ce qui est voulu, c'est quoi? At-tawhid. Quand on parle d'ibada, ibadatullah, wa abudullah, wa ni abudullah, ce qui est voulu, c'est le tawhid. Amma khalaqtul jinna wal insa illa li ya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est là qu'Ibn Abbas il a dit, le sens, c'est quoi? Tawhid, ce qui est pour qu'ils m'adorent moi seul. Pas pour qu'il m'adore moi et qu'il donne l'adoration à d'autres divinités en dehors de moi. Jayid. Il dit وَذَلِكَ هُوَ الْكُفْرَ بِالطَّاغُوتِ وَالْإِيمَانُ بِاللَّهِ. Et ceci, c'est-à-dire le sens de cette shahada, qu'on dise que ce soit l'adoration d'Allah Jalla wa'ala seul et le rejet de toute autre adoration ou le rejet de toute autre divinité, c'est le sens de quoi? C'est الْكُفْرَ بِالطَّاغُوتِ وَالْإِيمَانُ بِاللَّهِ qu'on retrouve dans le verset de Sourate al-Baqarah. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ يَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى فَقَدْ يَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى الْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. On sait que la majorité des mufassirun, ils disent que c'est justement cette shahada de la ilaha illallah. Et donc que son sens est le kufr بالطاغوت والإيمان بالله, l'adoration d'Allah Jalla wa Asal, d'Allah Jalla wa Asal, et le rejet de toute autre divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le rejet de son adoration. Dans une autre riwaya, tout ça, ça montre que ce qui est voulu par ces mots-là, c'est pas simplement le fait de les prononcer. Même si, à la base, on juge de l'islam quelqu'un qui est kafir asli, on parle pas de quelqu'un dont on a jugé déjà de l'islam, mais le kafir al-asli, comme un juif, un chrétien ou un athée, qui prononce ces mots-là, on juge de son islam. Mais ça veut pas dire le fait qu'on juge de son islam, ce qu'on appelle l'islam et le hukmi, qu'il a réalisé l'islam nafi', c'est-à-dire l'islam qui va lui profiter le jour du jugement devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'il en connaisse son sens et qu'il le mette en pratique. Et tous ces textes-là, c'est ça que ça montre. C'est ça que ça montre. C'est comme ça qu'on répond à quelqu'un qui dit oui, mais il dit la ilaha illallah, il commet du shirk, il commet des annulants de l'islam, mais il dit la ilaha illallah, etc. Or, on répond que ce qui est voulu par cette shahada, ce n'est pas simplement le fait de prononcer ces mots, mais c'est d'en connaître son sens et de les mettre en pratique en adorant Allah Jalla wa'ala seul, conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est le sens de Muhammad Rasulullah, et en mécroyant au tarot et en rejetant, et en délaissant, en s'écartant, en se désavouant du shirk. Et ensuite, avec des gens du shirk. Dans une autre riwaya aussi du hadith, que la première chose à laquelle tu les appelles, ce soit les deux attestations, c'est-à-dire l'attestation de la ilaha illallah et la deuxième, Muhammad رسول الله. Et dit, le Cheikh Al-Muhashi, il dit que toutes ces riwayas, elles s'expliquent les unes et les autres. Elles s'expliquent. Donc on peut utiliser ces riwayas pour expliquer à quelqu'un le sens de la ilaha illallah. Si quelqu'un il nous demande c'est quoi la ilaha illallah, c'est quelqu'un qui n'est pas connaisseur de la langue arabe, qui ne sait pas ce que c'est l'ilah en arabe, on peut l'expliquer avec ces riwayas-là. Ça rentre dans le tafsir de tawhid. Dans l'explication du tawhid, on peut utiliser ça, ces différentes riwayats de ce hadith-là. Il y a d'autres hadiths aussi, on verra dans le prochain chapitre, inshallah. Il dit, et le sens de ceci, donc le sens, pour montrer que le sens de cette shahada-là, c'est pas simplement d'en prononcer ces mots. Encore une fois, si on revient au chapitre numéro 2 du livre, donc qui s'appelait Fadl al-Tawhid, Amma yukaffiru min al-dhunub. Il avait cité donc le hadith de Ubad ibn Samit radiallahu an, Man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa anna Isa abduhu wa rasuluhu, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam al-akhiri. Il avait dit concernant shahida que la shahada ne s'appelle pas shahada que si. Donc, on n'appelle pas une shahada, c'est-à-dire un témoignage, on ne l'appelle pas un témoignage si il n'est pas construit sur une science acquise. Et une science qui est connue et à laquelle on croit de manière certaine. Donc, les conditions de la ilaha illallah. On n'appelle pas ça shahada. Quelqu'un qui ne sait pas de quoi il témoigne, il ne s'appelle pas shahid, il n'appelle pas ça shahada. Si on appelle ça peut-être shahadat zur, un témoignage mensonger. À partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les textes, dans les hadiths, il a shahadati an la ilaha illallah, déjà le mot shahada en lui-même, il comprend la science. Il comprend la science. Et il comprend le fait d'en être certain. Donc si on revient à la parole du Cheikh Ibn Qasim, rahimahullah, ça montre que ce qui est voulu, si on rassemble ces différentes riwayat, ce qui est voulu, c'est la science de son sens, donc de cette shahada, et le fait de la mettre en pratique. Et son sens, donc, qui est le fait de vouer le culte exclusivement à Allah Jalla wa Ala, et de rejeter toute autre adoration. Continuons en disant bikhilafi. Donc là, il veut répondre à une partie de Al-Mutakallimin. Comme on en avait déjà parlé dans le Wasitia, il me semble. بخلاف من قال أول واجب النظر في الوجود أو القصد إلى النظر فلا واجب على المكلف أعظم من التوحيد علما وعملا من أدلته هذا النص وغيره فإن قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله مع قوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب يعني أنهم أهل علوم وكتب وحجج ومع ذلك أمره أن يدعوهم إلى إفراد الله بالعبادة لكونهم محتاجين إلى أن تبين لهم ذلك فإن منهم من يجهل أو يعلم ولكن الشهوة تمنعهم من ذلك وحب المال والجاه والرياسة والعياذ بالله وفيه أنه لا يحكم بإسلام شخص إلا بالنطق بالشهادتين كما هو مذهب أهل السنة. وقال الشيخ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بذلك يصير الكافر مسلما وإذا لم يتكلم مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين. De ce hadith-là, on tire que la première obligation, sur al-mukallaf, c'est le tawhid. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à Mu'adh ibn Jabal de les appeler en premier lieu, donc ces gens du livre, de les appeler en premier lieu à quoi? Au tawhid. Fait d'adorer Allah azza wa jalla seul. Ceci avant la salat, la zakat. Et ça c'est clairement un nos, c'est-à-dire c'est un texte sans équivoque, clair et tranchant, et c'est une réponse à certains parmi al-mutakallimin qui ont prétendu que la première obligation qu'il incombe au mukallaf, donc à la personne responsable devant Allah Azza wa Jal, c'est le fait d'observer la création d'Allah. C'est des gens qui disent que la voie juste vers la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala et vers le tawhid, c'est le fait dans un premier temps d'observer la création d'Allah, et de par cette observation en déduire que ces cieux, que cette terre et tout ce que ça contient ont un créateur de par leur perfection, de par la sagesse qu'il y a dans cette création, la perfection, etc., qu'il y a forcément un créateur. Donc pour eux, la foi, elle commence là. Ce qu'il faut comprendre ici, en soi-même, ce n'est pas quelque chose, yani, qui est faux. Le fait que quelqu'un ait besoin d'observer la création d'Allah pour se rendre compte de la puissance d'Allah, qu'il a un créateur, et qu'il doit l'adorer lui seul, et qu'il doit lui obéir à lui seul, ce n'est pas quelque chose qui est faux en soi-même. Mais eux, ils en font une obligation religieuse. C'est-à-dire que la foi d'une personne n'est pas juste sans, avant qu'il n'ait fait ça. De la même manière que Al-Sunna wal-Jama'a, ils disent que la première chose qu'il incombe à la personne, c'est quoi? C'est le tawhid, le fait de donner l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Eux disent non, il faut d'abord qu'il observe la création, qu'il en déduise qu'il a un créateur. Il y en a d'autres qui disent, la première obligation c'est Al-Qasd il-Nadha. C'est-à-dire c'est la niya d'avoir, ou l'intention de vouloir observer la création d'Allah. Il y en a d'autres qui disent, c'est échec, le doute. Subhanallah. Et ils disent que la première étape dans la croyance en Allah, Jalla wa Ala, c'est le fait de douter de lui. Ajib. Parce que le doute, il va pousser à observer. Le doute, il va pousser la personne à cogiter, à observer la création d'Allah et à en déduire qu'il a un créateur et ensuite à l'adorer et à lui obéir. Allah al-Musta'an. Ce hadith, c'est une réponse donc à ces gens-là, puisque clairement, ce qu'on appelle un nos, donc un texte qu'on ne peut comprendre que d'une seule manière, c'est-à-dire par son sens apparent, et que la première obligation qui incombe à toute personne responsable, c'est l'adoration d'Allah Jalla wa Ala seul et la mécroyance au Tarout. Et donc, ce hadith-là, il montre que rien n'est plus important que le tawhid. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a conditionné l'appel à la salat et à la zakat par leur acceptation du tawhid. Par leur acceptation du tawhid. C'est-à-dire, pas d'appel à la salat et à la zakat avant d'appeler les gens au tawhid et avant qu'ils acceptent le tawhid. Celui qui appelle à autre chose qu'à ça, alors qu'il n'y a pas de tawhid, ça, comme on l'a dit, c'est quoi? C'est une bid'a. On a dit que de la même. Allah Jalla wa Ala, il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Udu'u ila sabil rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana wa jadilhum billati hiya ahsan. Donc Allah Jalla wa Ala, il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam la da'wa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi dit Hadhi sabili ad'u. Allah Jalla wa Ala lui ordonne Qul hadhi sabili ad'u ila Allah. Donc tout ça montre, comme on l'avait dit, que la da'wa c'est une adoration. Et que l'adoration elle doit se faire ou elle est validée par Allah Jalla wa Ala en réalisant deux conditions, qui sont la première, l'ikhlas, donc pour s'écarter du shirk. Et la deuxième condition c'est quoi? C'est al-mutaba'a. appeler les gens à l'islam comme le prophète, ou faire la da'wa comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a ordonné, comme il l'a fait lui, c'est-à-dire en commençant par quoi? Par le tawhid. Donc on ne commence pas à appeler un mushrik, pas à faire la salat ou à donner la zakat. C'est batil. De toute façon, ces œuvres-là, elles sont vaines, puisque la condition qu'il les rend valides, le tawhid, n'est pas réalisée. Jayid. Non. Et dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec sa parole, innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab. Donc dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc la première chose à laquelle tu les appelles, soit la shahada de la ilaha illallah. Si on rassemble ça avec sa parole, innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab, tu vas rencontrer des gens parmi les gens du livre. Il dit yani annahum ahlu ulum wa kutub wa hujaj. ومع ذلك أمره وأمره أن يدعوهم إلى إفراد الله بالعبادة. Donc, ça montre quoi? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à Mu'adh de les appeler au tawhid, alors que c'est des gens à la base qui ont une certaine, comme on a dit, une certaine science du livre, des livres qui ont été révélés avant, même s'ils ont été falsifiés, modifiés, qui ont une connaissance de la prophétie, et qui ont avec eux une certaine chose, la science, des preuves, des arguments, etc. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à Mu'adh de les appeler en premier lieu au tawhid. لكونهم محتاجين إلى أن تبين لهم ذلك فإن منهم من يجهله أو يعلمه ولكن الشهوة تمنعهم من ذلك وحب المال والجاه والرياسة والعياذ بالله. Donc, et malgré cela, le professeur Salem, alors qu'ils ont avec eux des livres et une certaine science, il a ordonné Mouaz de les appeler à l'islam, au tawhid, tawhid dans l'adoration. Ça montre quoi? Ça montre que c'est des gens soit qu'ils ne connaissaient pas le tawhid, donc qui étaient sur le shirk et qui ne connaissaient pas le tawhid, soit des gens qui connaissaient le tawhid mais qui ont délaissé le tawhid pour des raisons liées à la dunya. Comme l'argent ou le pouvoir, etc. Parmi les choses de la dunya qui détournent l'insan de l'islam. دي وفيه أنه لا يحكم بإسلام شخص إلا بالنطق بالشهادتين كما هو مذهب أهل السنة. Il dit, et dans ceci, dans ce hadith-là, on voit qu'on juge de l'islam d'une personne uniquement lorsqu'elle a prononcé les deux attestations de foi, comme c'est le madhhab des gens de Al-Sunna wal-Jama'a. Allahu alam ici. Allahu alam, ce qui veut dire ici, c'est qu'on accepte l'islam que, avec, donc par la prononciation des deux attestations, kama huwa madhhab Ahl-Sunna, ici il répond Allahu alam al-Mutakallimin, qui disent que la première obligation, c'est quoi? C'est. Comme on l'a dit, il y en a qui voient que dans ce hadith-là, ou en se basant sur ce hadith-là, que ce qu'on appelle alamat al-islam, ça ne suffit pas pour juger de l'islam d'une personne. C'est-à-dire quelqu'un qui prie ou quelqu'un qui montre quelque chose parmi les rites de l'islam, ça ne suffit pas à juger de son islam. Parce que la première chose à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné Mu'adh d'appeler les gens, c'est au tawhid, qu'ils prononcent la shahada, qu'ils adorent Allah jalla wa sallam, et qu'ils se désavouent de leur divinité, qu'ils se désavouent du shirk. Et seulement après cela, il a ordonné la salat et la zakat. Ce qui montre que si on voit quelqu'un prier ou donner la zakat, ça ne suffit pas sur cette compréhension-là du hadith et sur cette parole-là de ulama, que ça ne suffit pas donc à juger de l'islam d'une personne, c'est-à-dire ce qu'on appelle la alamat et l'islam, les rites de l'islam comme la salat, la zakat ou autre. Malgré que ce soit l'avis de beaucoup de grands savants, comme Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, et beaucoup parmi al-fuqaha des quatre mazahib qui disent que quelqu'un qui prie, on juge de son islam. Qu'on voit prier, qu'on juge de son islam. La kulli وقال المصنف رحمه الله وفيه أن التوحيد أول واجب والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ 10 سنين كلها في الدعوة إلى التوحيد والنهي عن ضده وهو الشرك وفيه أن الإنسان قد يكون من أهل العلم وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها والتنبيه على التعليم بالتدريج والبداءة بالأهم فالأهم. Al Musannif, c'est-à-dire le Cheikh Mohammed, rahimahullah, il dit et on voit dans ce hadith-là que la première obligation qu'il incombe, c'est le tawhid. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où on voit aussi l'importance du tawhid, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé au tawhid, c'est-à-dire ce qu'il faut comprendre sans les autres obligations que sont la salat, la zakat, etc., il a appelé au tawhid pendant les 10 premières années de la révélation. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas continué à appeler au tawhid après, lorsque la salat a été légiférée, les autres sha'a'ir comme zakat, siyam ramadan, ou al-hajj, etc. Mais pendant les 10 premières années, ce qui est sûr, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est consacré à la da'wa au tawhid. Ça montre l'importance du tawhid et que le tawhid, c'est la première obligation et c'est ce qu'il y a de plus important puisque c'est la base et c'est aussi la condition de validité des autres actions. Et donc, c'est-à-dire l'adoration d'Allah seul et le délaissement du shirk. Il dit aussi que ça montre que puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Mu'adh aux gens du livre du Yémen, qui sont des gens, comme on l'a dit, parmi eux, il y a des gens de science. Malgré cela, malgré le fait qu'il y ait des gens de science parmi eux, et des gens qui ne connaissent pas le sens du tawhid. Ça, on peut le voir encore aujourd'hui, des gens qui ont des connaissances approfondies dans le fiqh, dans le tafsir, dans le hadith, mais qui ne connaissent pas, ou qui ne mettent pas en pratique la shahada de la ilaha illallah, le tawhid. On tire aussi d'autres choses comme l'enseignement par étapes, fait d'enseigner une chose après l'autre selon un ordre bien précis, le plus important, puis le plus important et ce qui est important mais moins important, etc. Ensuite, il y a une remarque ici à faire importante. Quelqu'un, il peut faire une remarque en disant que cette histoire-là, il n'y a aucun doute qu'elle s'est produite qu'une fois. C'est-à-dire le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoie Mu'adh au Yémen, ça s'est passé qu'une seule fois. Comment on peut expliquer que le hadith, il est plusieurs riwayas? Comment on peut expliquer qu'il y ait plusieurs versions du hadith? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette parole-là qu'il a dit à Mu'adh, il l'a dite qu'une fois. Il ne l'a pas dit 2, 3 ou 4 fois, puisqu'on a plusieurs riwayat avec nous. Donc comment on peut répondre à ça? Comment on peut expliquer ça? Donc ce qui est sûr, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prononcé, donc par sa bouche, une de ces riwayat-là. Les ulama disent ce qui est le plus probable, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est prononcé La riwaya où il est dit ilā shahadati an la ilaha illallah, parce que c'est ce qu'on retrouve le plus dans les autres textes du Coran et de la Sunna. Le prophète sallam, il utilisait les mots de la shahada, ilā shahadati an la ilaha illallah. Comment on peut expliquer qu'il y a d'autres riwayas qui viennent où ils disent ilā ani wahidullah ou la ilā ibadatillah? Comment ces deux riwayas, elles sortent d'où, alors que l'histoire, encore une fois, elle s'est passée qu'une fois, ça c'est sûr. Le prophète sallam, il a envoyé Mouad au Yémen une fois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les différents compagnons qui ont rapporté le hadith, qui ont rapporté le hadith par son sens. On sait que les ulama, ils autorisent ça. Oui, du moins, ils ont déduit qu'il est autorisé de ramener le hadith par son sens et pas forcément par exactement par les mots qui ont été prononcés. Évidemment, il y a des conditions. Et donc, l'explication, c'est que les compagnons, ils ont rapporté ce hadith-là. Donc, فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Ils ont rapporté ça par son sens. Donc c'est les différentes riwayas rapportées par les différents rapporteurs, soit les compagnons, soit les gens après eux, qui ont rapporté ce hadith-là, donc ces mots-là, la shahada de la ilaha illallah, par son sens. Donc ça montre quoi? Ça montre que qu'ont compris les compagnons de ces mots-là, ils ont compris le tawhid. Ma ila wahidullah, ou la ila tawhidillah, ou ila ibadatillah. Donc c'est quelque chose qui est clair et qui est unanime chez les compagnons, le sens de ces mots-là. Donc c'est comme ça qu'on explique qu'il y a plusieurs riwayas du hadith. C'est au niveau des rapporteurs des compagnons qui ont rapporté le hadith par son sens. Comme de toute façon on l'a dit avant. Comme on l'a dit avant, comme on le retrouve dans le Coran à de nombreuses reprises, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité cette shahada par son sens et non pas par ses mots. Comme dans les versets qu'on a cités, ou dans les versets, comme Allah jalla wa ala a dit, où il qala Ibrahim li abihi wa qawmi, innani bara'u mimma ta'budun. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية. كلمة باقية ici dans ce verset, c'est quoi? Comme le disent les mufassirun parmi les salafs, c'est justement cette shahada, La ilaha illallah. Et comment Allah Jalla wa Ala, il a expliqué quel mot il a utilisé pour cette shahada? وإذا قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. Je me désavoue de ce que vous adorez en dehors d'un seul qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les mushrikoun, ils adoraient aussi Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Ibrahim, il s'est désavoué de toute leur divinité en dehors d'une seule, Allah jalla wa ala. Donc ça, c'est le sens de ces mots-là. Donc dans le Coran et dans la Sunna, comme on le verra aussi dans le hadith de Abi Malik al-Ashja'i an Abi Nasah Muslim dans le prochain chapitre, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. Donc celui qui dit لا إله إلا الله et qui mécroit en ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et dans une riwaya, comme on verra dans le musnad de l'imam Ahmed, le hadith c'est quoi? من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله. Exactement pareil. Même principe, plusieurs riwayas d'un hadith. Soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit par lui-même ces différentes riwayat, soit certains rapporteurs du hadith ont expliqué le hadith par le sens, par son sens, et n'ont pas cité les mots du hadith, mais ont cité son sens, comme c'est le cas ici, sans aucun doute, dans le hadith d'Ibn Abbas, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Mouad au Yémen. Puisque le prophète sallam, clairement, il n'a pas cité toutes ces riwayas-là, la qissa wahida, comme ils disent, et l'histoire, c'est une seule histoire. Donc c'est comme ça qu'on explique ça, et c'est comme ça qu'on voit ce qu'ont compris les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ces mots-là. De toute façon, c'est quelque chose sur laquelle يا إجماع. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, فَإِنَهُمْ أَطَعُوكَ لِذَلِكَ. S'ils t'obéissent dans ceci, c'est-à-dire, قال المحشي رحمه الله, أي شهدوا وانقادوا لذلك وكفروا بما يعبدوا من دون الله. Donc, c'est-à-dire qu'ils aient témoigné de ceci, de la ilaha illallah. Et qu'ils se soient soumis au sens de cette shahada. Et qu'ils aient mécru en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce qui est voulu ici, c'est l'adoration d'Allah Jalla wa Ala. Il ne suffit pas de dire que seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite l'adoration et qu'on ne l'adore pas et qu'on ne lui obéisse pas par après. Et qu'ils aient mécru en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quoi? Fa'a'limhum. Fa'a'limhum anna Allah aftarada alayhim khamsa salwatin fi kulli yawmin wa layla. Alors informe-les, enseigne-leur qu'Allah Jalla wa Ala leur a ordonné 5 prières. Le jour et la nuit. Donc les prières de jour qui sont Ad-Dawr ou Al-Asr, et les autres prières qui sont des prières de nuit. C'est le Maghrib, Al-Isha, Al-Fajr, Al-Subh. لِثَنَّ بِالْأَعْمَالِ بَعْدَ التَّوْحِيدِ لِأَنَّهَا لَتَصِحُ بِدُونِهَا. Là, on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité les actes, donc la salat et la zakat, qu'après avoir cité le tawhid. Pourquoi? Parce que le tawhid est une condition de validité des actes. Pourquoi? Parce que le tawhid est une condition de validité des actes. On n'ordonne pas à quelqu'un de faire la salat alors que son tawhid il est facide, il est faux, il n'est pas juste. Sa salat ne sera de toute façon pas valide, pas acceptée. لفهو شرط لصحة جميع الأعمال. Donc il est une condition, c'est-à-dire le tawhid, de la validité de l'ensemble des actes. وفيه أن الصلاة أول واجب بعد الشهادتين. Et dans ceci, on voit que la prière est la première obligation directement après les deux shahada. Donc la plus grande obligation, c'est la salat. Et c'est pour ça qu'on trouve chez les compagnons un consensus de leur part sur le fait que celui qui délaisse la salat est kafir. Donc ça, c'est ce qu'indiquent les textes, ce qu'on appelle le zahir, l'apparence des textes qu'on trouve dans la sunna et même dans le Coran. Et c'est la compréhension qu'en ont eue les compagnons, puisqu'il a été rapporté de plusieurs compagnons, donc de Ali, de Omar, de Mu'adh ibn Jabal, de Abdullah ibn Mas'ud, et d'autres, que celui qui délaisse la salat est kafir. Et on ne connaît pas de mukhalif chez eux. C'est-à-dire on ne connaît pas un compagnon qui ait dit l'inverse, qui ait dit quelque chose qui contredit ça. Et ça, chez les ulama, chez les usuliyin, c'est considéré comme un ijma', même s'ils appellent ça ijma' sukuti. C'est-à-dire, c'est un ijma' où on a la parole de certains et on a la parole d'autres qui vont contredire cette parole-là. Donc, ils considèrent ça, les ulama, comme un ijma' et donc comme une preuve qu'on doit suivre. Savoir que le khilaf concernant la mécréance de celui qui délaisse la prière, il est venu plus tard chez les quatre imams, chez l'immat al-arba. Si on regarde l'immat al-arba, on va trouver que donc chez l'imam Abu Hanif, Abu Malik, Shafi'i ou Ahmed, on va trouver qu'ils ont certaines riwayat où ils disent que ce n'est pas du kufr akbar. Kufr dun kufr, c'est un kufr qui ne fait pas sortir de l'islam. Or, on ne trouve pas ces paroles-là chez les compagnons. Et c'est ce qu'indiquent les textes de la sunna, comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. بين العبد والشرك والكفر ترك الصلاة. بين العبد والشرك والكفر والشرك والشرك والكفر ترك الصلاة. Ou non, donc on disait que l'ensemble des questions on regarde dans les athars qui ont été rapportés des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on trouve aucun d'entre eux qui contredit ces paroles-là, donc des autres compagnons à propos desquels on a rapporté que celui qui délaisse la prière, il est kafir. Mais ce qui est voulu, c'est le kufr al-akbar, c'est-à-dire qu'il est murtad, sort de l'islam. Et ça, c'est ça. Ça, c'est en corrélation avec ce qu'on comprend du sens apparent des textes de la Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est-à-dire, celui qui la délaisse, il a mécru. Donc c'est ce qu'on comprit, du moins les compagnons des textes du Coran et de la Sunna, et le khilaf il est apparu plus tard. Pourquoi? Wallahu alam. Tous les cas, chez les savants des quatre mazahib, on considère qu'il y a un khilaf dans le statut de celui qui abandonne la salat. Il dit aussi, ويزاد في عذابهم وجمهور العلماء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور بها والمنهي عنها كالتوحيد إجماعا لقوله تعالى قالوا لم تكن من المصلين. نعم. Donc ici nous dit. Il nous dit donc, ce hadith-là, il prouve quoi aussi? Il prouve qu'on n'appelle personne à la salat, à la zakat et aux autres obligations de l'islam qu'après que celui-ci soit entré en islam avec le tawhid, avec les deux shahada. Il dit, fa'in hasala, du'ya ila salat. C'est-à-dire, si la personne, après avoir prononcé les deux shahada, on l'appelle à la prière. Ou illa la mud'a ilayha. Sinon, on ne l'appelle pas à la prière, comme on l'a dit, ça constitue une bid'a dans la da'wa. On n'appelle pas quelqu'un dont le tawhid n'est pas. Quelqu'un qui n'a pas attesté du tawhid, on ne l'appelle pas au deuxième pilier, alors que ce deuxième pilier-là, sa validité repose sur la. Sur quoi? Sur le tawhid, sur la validité du tawhid. Comme on l'a dit, et le reste des actions, il y a des actes, zakat, somme, hajj et d'autres, leur validité repose tous sur la validité du tawhid. Il dit, mais cependant, ceci n'implique pas que les kuffars ne soient pas visés lorsqu'Allah ordonne donc aux mukallafin, Allah Jalla wa Ala dans le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna, il ordonne donc aux gens d'accomplir certaines choses et d'en délaisser d'autres. Et ceci avec, si on regarde bien, avec des textes qui sont généraux. C'est-à-dire ce qu'on appelle sirat al-umum, bi-siyar al-umum. C'est-à-dire des textes généraux dans lesquels, dans la réalité, les kuffars entrent. C'est-à-dire que quand Allah Jalla wa Ala, par exemple, il dit Waqimu salat wa atu zaka, Waqimu salat wa atu zaka, les ulama de usul, donc encore une fois, l'usul qui est basé et bâti sur la compréhension de la langue arabe, quand on dit Waqimu, Aqimu, ici le waw, Aqimu, le waw, on sait qu'il est sujet du verbe et rentre. rentre, le wow ici, les Usuliyoun, ils disent qu'il fait de l'umum. C'est-à-dire, wa aqimu, Allah Jalla wa Ala, il ne s'adresse pas uniquement aux musulmans. Il s'adresse aux musulmans et aux kuffars. Ça montre quoi? Ça montre que la salat, elle incombe aussi aux kuffars, même s'ils ne sont pas encore rentrés en islam. Même s'ils ne sont pas en islam, même s'ils sont sur le shirk, Allah Jalla wa Ala, il leur ordonne de faire la salat. Et ils seront. Et là, ici, on peut avoir deux remarques. Quel est l'intérêt qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il les appelle à faire la salat, il leur ordonne de faire la salat, de donner la zakat, alors qu'on vient de dire que cette salat et cette zakat, nous, dans la dunya, et concernant les mushrikines dans la da'wa, on ne les appelle pas à faire ça tant qu'ils n'ont pas réalisé le tawhid. Les ulama, ils répondent en disant que, comme il le dit ici, وَيُزَادُ فِي عَذَابِهِمْ C'est-à-dire que la hikmah dans la sagesse, c'est que cette ordonnance qu'Allah y fait aux kuffars d'accomplir la salat et de donner la zakat, elle ne sert uniquement qu'accentuer leur punition et leur châtiment le jour du jugement. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir été kuffar et de ne pas avoir accompli le tawhid, va se rajouter comme châtiment le fait d'avoir délaissé la prière, la zakat. Et même si cette prière et cette zakat n'auraient pas été valides sans le tawhid. Ensuite, on peut aussi répondre qu'il n'y a pas de contradiction là-dedans. Pourquoi? Parce que, de la même manière, si on prend l'exemple du prieur ou du musulman concernant la prière, le musulman concernant la prière, quand l'heure de la prière elle rentre, on sait que la prière elle est obligatoire pour lui. On sait que la prière est obligatoire pour lui. Est-ce que ça veut dire qu'il doit rentrer dans la prière sans avoir accompli ou réalisé les conditions qui vont rendre sa prière valide? Non. C'est-à-dire, on va donner un exemple. La personne, le musulman, il n'est pas en état de pureté, admettons. Il n'a pas son wudu, il n'est pas en état de pureté. Son wudu n'est pas valide. L'heure de la prière rentre. La prière devient obligatoire pour lui. Est-ce que ça veut dire qu'il doit rentrer dans le rang? Dire Allahu Akbar sans avoir fait ses ablutions avant? Non. C'est-à-dire, la prière est obligatoire pour lui, ce qui va rendre pour lui le fait d'accomplir les conditions, c'est-à-dire au préalable, qui vont rendre sa prière valide. C'est-à-dire ici, dans notre cas, ses ablutions. Il va faire ses ablutions, il va faire son wudu, et ensuite il va aller dans le rang, il va rentrer dans la prière. Donc là, c'est la même chose. Quand Allah Jalla wa Ala, il ordonne au kuffar d'accomplir la salat ou de donner la zakat, c'est pas de la donner directement. C'est d'abord de réaliser la condition qui va rendre leur adoration valide, c'est-à-dire leur salat et leur zakat valide, c'est-à-dire d'abord d'entrer en islam, de réaliser le tawhid, puis d'accomplir la salat et de donner la zakat et de faire les autres obligations. Donc on voit qu'il n'y a pas de contradiction en fait là-dedans. Et l'ensemble des ulama, c'est un ijma, que les kuffars, lorsqu'Allah Jalla wa Ala, il s'adresse aux gens en leur ordonnant de croire en lui, ce qu'on appelle donc l'usul al-i'tiqad, ou asl al-din, de l'adorer que lui, de délaisser le shirk, de mais croire au tarout, de croire en lui, en ses anges, en ses prophètes, en ses livres, au jour dernier, au qadr, etc. Tout ça, quand Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux gens, c'est à l'unanimité des ulama, tout le monde est visé. Que ce soit le musulman ou le kafir. Tout le monde, l'homme ou la femme ou n'importe qui, tout le monde est visé par ce khitab. C'est-à-dire par cette ordonnance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Concernant le furu', il y a un khilaf entre les ulama, mais la grande majorité des ulama ou la majorité des ulama disent que, comme on l'a dit précédemment, même concernant al-furu', c'est-à-dire les branches, les actes, la salat, la zakat, il a khiri, même les kuffars ont l'ordre d'accomplir ces actes-là. Et encore une fois, la hikma là-dedans, c'est soit d'accentuer leur châtiment le jour du jugement, puisqu'en plus de ne pas avoir accompli le tawhid, ils n'auront pas accompli la salat, pas donné la zakat, pas jeûné le mois de Ramadan, pas fait le hajj à la maison sacrée d'Allah Azzawajal, etc. Et les ulama, ils prennent comme preuve Le fait qu'Allah Jalla wa Ala, par exemple, dit qu'alu lam nakum minal musallin, lorsqu'on leur demande pourquoi ils sont dans le feu, donc d'abord ils vont dire qu'ils ont mécru au al-Bahth, qu'ils pensaient qu'ils n'allaient pas être ressuscités, et ensuite, donc ça fait partie évidemment des piliers de la foi, al-Iman bil-Yawm al-Akhir, ça rentre dans l'Iman bil-Yawm al-Akhir, le fait de croire qu'on va être ressuscité le jour du jugement, celui qui rejette ça, il est kafir. Qui ne croit pas en ça, il est kafir, ou celui qui doute, il est kafir. Mais ils ont rajouté quoi derrière? Walamnaku minal musallin. On voit que le fait qu'il n'ait pas été du nombre des gens qui font la prière, ça, c'est aussi une cause, même si c'est une cause secondaire, c'est aussi une cause de leur entrée dans le feu, de leur punition, de leur châtiment. Donc on voit de là, on tire, les ulama, ils tirent que. On comprend de là que même dans la dunya, ils étaient. Allah Jalla wa Ala, il leur a ordonné d'accomplir cette salat-là, et que le fait de ne pas l'avoir fait, ça accentue, et ça accentue leur châtiment. Et par cela, ils sont châtiés plus que le simple fait d'avoir mécru. Non. Ensuite, il dit, فإن فإنهم أطاعوك لذلك يعني وقاموا الصلاة الشرعية وفي رواية الفضل ابن العلاء فإذا صلوا. C'est-à-dire une fois qu'ils ont prié, une fois qu'ils sont entrés en islam, une fois qu'ils sont entrés en islam. Et qu'ils ont accompli la prière, qu'ils prient, comme c'est indiqué par la deuxième riwaya de l'Fadl ibn Ala, Fa'idha sallu, s'ils accomplissent la salat, alors à ce moment-là, tu les informes concernant la zakat. Ouais, Inch'Allah, on va arrêter là, parce qu'il est déjà un peu tard. On va arrêter là, Inch'Allah. Wallahu alam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.